Stephen King aime le golf, Stephen King aime les autopsies, Stephen King a écrit Salle d'autopsie 4 et Michael Salomon l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris, salut. Salut, salut. Et je suis avec Punky, ah non pas cette fois-ci hélas. Eh merde. Eh merde, oh, on va devoir se contenter de l'un et de l'autre. Voilà, moi si j'avais une blague sur l'absence d'invité, j'allais dire ben, où est l'invité. Et voilà. Là, j'ai trouvé personne, on trouvera quelqu'un d'autre. Après, je peux mettre une chaussette au bout de ma main et faire une voix. Ah, ça pourrait être pas mal. Nous allons regarder Stephen King, quelle joie, youpi. Fais gaffe, parce que là, ça fait un peu comme la chaussette de Meur. Je crois que toutes les chaussettes de main ont la même voix. Hein. Très bien, donc oui, nous nous retrouvons de nouveau à deux pour parler de Stephen King et cette fois-ci de Salle d'autopsie 4, qui est donc une nouvelle qui est publiée, on y reviendra un peu, mais grosso modo qui est publiée dans Tout est fatal, et son adaptation c'est dans la série Rêve et cauchemar, c'est le 7e épisode de cette série que nous faisons, et c'est d'ailleurs le 7e épisode diffusé aussi, pour une fois qu'on est bien. Cool. Ça m'étonne toujours que des épisodes de Rêve et cauchemar aient été pris dans un recueil qui n'est pas Rêve et cauchemar. Je trouve ça toujours aussi perturbant, mais bon. Ouais, bah, fallait bien faire quelque chose, je suppose. Ils n'allaient pas appeler ça Tous les rêves et tous les cauchemars sont fatals, je sais pas, en mélangeant. Ah, ça aurait été concept, une série de séries d'anthologie qui adapte tous les recueils de King. Bon, en réalité, ça aurait été plutôt pertinent, ça aurait permis en plus d'adapter les trucs dont personne ne parle jamais, ouais. Tu vois, tu fais une série Tout est fatal, une série Rêve et cauchemar, une série... Il y a quoi d'autre? Brume? Enfin, du coup, sans Brume, il faudrait que tu trouves autre chose, du coup, comme nom. Ouais. De recueil. Une série... Juste avant le crépuscule. Juste avec... Ouais, je dis toujours juste après le crépuscule, parce que le titre anglais, c'est Just After Sunset, ça me voilà. Trouble à chaque fois. Bah, tu peux faire une série de 4... Tu peux faire une série de 4 téléfilms avec minuit. Ouais. Bon bah, enfin après c'est foiré parce que du coup il y en a déjà deux qui ont été adaptés. Oui mais ça coûte rien de les réadapter. Hein. Oui c'est vrai après tout. Après tout. C'est pas comme si on avait déjà 3 Carrie, 3 Charlie, bientôt 2 Christine au bout d'un moment. Ouais, 2 Running Man maintenant. Oui bientôt 2 Running Man. Il n'est pas encore sorti ouais. Le deuxième. Techniquement 2 The Monkey. Oui mais bon. Non, bien tout le monde a oublié. Voilà. Et puis elle n'est pas vraiment officielle, surtout. Oui, bah oui, c'est... Je sais pas ce qu'elle est, mais ouais, elle n'est pas officielle. C'est étonnant le nombre de nouvelles et de romans pas encore adaptés, alors que y a des remakes qui attirent l'arigot, quoi. Moi, c'est surtout sur les romans que ça m'étonne, parce que les nouvelles, à la limite, bah, elles sont pas très connues, et peut-être que le nom de King suffirait pas à vendre. Autant les romans, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose pour vendre ça correctement. Bah oui. Donc mais je sais pas. Après, pour le coup, il y a eu les... si on en vient justement un peu aux actus, il y a eu pas mal d'images de Marche ou Crève oui, qui ont été dernièrement diffusées. Qui sont et bah, du coup, moi, j'ai vraiment hâte de le voir, celui-là. Hein. Ah oui, moi aussi. Bah, surtout que c'est un roman qu'on aime tous les deux beaucoup. Ouais, je serais vraiment très heureux quand on pourra en parler. Ouais. Il y a eu que ça comme news, du coup, dernièrement. Bah, il y a eu ça. D'ici que l'épisode sort, on sera très près de la date de sortie de Never Flinch en anglais. Mais du coup, voilà. Donc c'est le prochain recueil. Ouais. Et oui, c'est à peu près tout. On sait qu'il avance bien sur le troisième tome du Talisman, du coup. Mais c'est vrai qu'au niveau nouvelles, vraiment concrètes, il y a assez peu de choses. Troisième tome du Talisman qu'il écrit tout seul, alors? Ah bah, Peter Straub est plus trop disponible, ouais. Oui, non, mais est-ce qu'il y avait des notes, quelque chose comme ça? Apparemment, ils avaient échangé avant la mort de Peter Straub, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. À mon avis, oui, c'est quand même surtout King qui va construire tout ça, mais il a déjà dit que ce serait quand même co-signé. Ok. Oui, par respect pour Ouais, pour lui, et puis parce qu'il va quand même reprendre les personnages, il va quand même reprendre des éléments, enfin, oui. Il y aura quand même du strobe dedans. Les testaments, les talismans. Ça vaut vraiment le coup, en plus c'est ressorti dans une jolie édition, j'ai vu ça à la FNAC l'autre jour. Ouais. Pour l'instant, on est d'accord, il y a deux romans. Ouais, c'est ça. Et il y a des éditions où les deux sont réunis. Hmm. Donc oui, pour les news, voilà, et donc on va pouvoir se lancer. On va spoiler, mais c'est une nouvelle d'à peine 40 pages. Donc, Ah oui, bah même de 20 pages, même, en grand format. Ah, en grand format, oui, il y a moyen, ouais. Moi, ça, j'ai 40 en poche. Tout est fatal, je l'ai en édition Albin Michel. Donc, Et donc, c'est parti. Salle d'autopsie 4 nous raconte l'histoire d'Howard qui, alors qu'il était tranquillement en train de jouer au golf, s'est fait mordre par un serpent et est dans un état de paralysie où il ne respire presque plus. Et il a été amené, à cause d'un médecin un peu vieux et un peu rapide sur les diagnostics, à la morgue parce que tout le monde est convaincu qu'il est mort. Sauf qu'il voit tout, il ressent tout, et il sent qu'il y a des médecins légistes qui sont sur le point de le découper. La nouvelle, elle reprend des prémices en réalité qui ont été traitées par différents auteurs, différents films, etc. Mais ce qui est la source d'inspiration la plus clairement identifiée, c'est une nouvelle de Louis Pollock appelée Breakdown, qui a été publiée dans le magazine Collier's en 1947. Et plus particulièrement, en fait, King a été marqué par son adaptation dans Alfred Hitchcock's Presence, qui est explicitement cité par King à la fois dans la nouvelle elle-même et dans la note qu'il met à la fin. Oui. Moi, dans les trucs que ça m'a rappelé, ça m'a aussi rappelé un très bon épisode des Contes de la Crypte qui s'appelle Abracadabra. Je sais pas si tu le connais, qui alors, qui a une situation assez différente, mais qui, pareil, a cette histoire de gars paralysé et que tout le monde croit mort. Ok. Donc, le serpent qui est identifié comme étant responsable de la paralysie qui s'appelle le Boomslang péruvien dans la nouvelle. En fait, Boomslang, King l'a repris dans un Agatha Christie, un Miss Marple, parce qu'il trouvait que ça sonnait bien, et c'était un African Boomslang dans le Miss Marple. Le péruvien Boomslang n'existe pas du tout, comme encore une fois King le dit dans sa conclusion. Hein. C'est vraiment juste une technique narrative. Il n'y a pas de serpent qui fait ça, a priori. Mmh. A priori, oui. Ouais, on sait jamais. Hein. Voilà, on ne connaît pas toutes les créatures sur cette terre. La nouvelle, elle est d'abord éditée dans un recueil appelé Six Stories, dont on a déjà un peu parlé. C'est un recueil à tirage très limité de 1100 exemplaires, je crois, édité par Filtry Press en 1997, mais dont les histoires ont été, pour 5 d'entre elles, plus tard intégrées à Tout est fatal. Et la dernière, qui s'appelle Willy l'aveugle, a été fortement modifiée et elle a été intégrée à Cœur perdu en Atlantide. Hmm. Donc le recueil, il n'y a rien d'inédit dedans, à part des versions un peu différentes ou très différentes, dans le cas de Willy l'aveugle, de nouvelles qu'on connaît déjà. D'accord. Évidemment, c'est un objet de collection avec 1100 exemplaires édités, tu peux bien t'en douter. Oui, j'imagine que niveau prix, et encore si quelqu'un le vend. Au Brosso, il y a toujours des collectionneurs qui revendent des trucs, hein, ça arrive toujours, mais faut tomber dessus au bon moment, quoi. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est tout, hein, comme souvent avec les nouvelles, je n'ai pas beaucoup d'informations, et nous allons donc tout de suite pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Bah écoute, ça va être également un avis rapide, hein, puisque comme tu l'as dit, une nouvelle de 20 pages, bon... On va pas non plus tergiverser. C'est très bien écrit, c'est très bien rythmé. La tension, elle est vraiment palpable du début à la fin. Le personnage qui est paralysé dans la salle d'autopsie est plutôt sympathique, je trouve. Vraiment, on est plutôt de son côté. Je trouve que, on en reparlera, mais sa version adaptation est beaucoup plus, comment dire, insupportable, voilà. Non, franchement, c'est une nouvelle vraiment très très efficace, je trouve. Oui, je suis d'accord. Bah, après, c'est une prémisse qui marche bien, de toute façon. Oui. Cette idée d'être paralysé, de ne rien pouvoir faire, mais de tout ressentir. Je trouve que de base, ça marche assez facilement. Ah oui, c'est terrifiant. Mais effectivement, la nouvelle le fait particulièrement bien. Oui. Elle est drôle par moment, elle est même assez régulièrement drôle, il y a un côté humour noir. On sent un peu justement cet esprit qu'il peut y avoir dans les Alfred Hitchcock's Presence ou dans les séries d'anthologie de ce type. C'est peut-être pour ça que j'ai pensé au conte de la crypte. Il y a de la tension, mais il y a aussi quand même beaucoup d'humour. Tous les moments où les médecins interagissent entre eux et où lui leur répond, mais par pensée, et donc eux, forcément, ne l'entendent pas, ça donne lieu à des situations vraiment rigolotes, effectivement. Et en effet, le personnage est plutôt sympathique. Le duo de médecins principal, parce qu'il y en a un qui est vite viré de la salle, pareil, ils sont rigolos. Enfin oui, c'est une bonne nouvelle, on passe un bon moment en la lisant. Oui, voilà, c'est ça. Et oui, le postulat de base suffit en fait à instiller la terreur dans l'esprit du lecteur. Hein, parce que c'est clairement quelque chose qu'on peut redouter, et surtout c'est quelque chose qui arrive. Il y a déjà des témoignages... sur ce genre de choses, des gens qui sont anesthésiés et finalement l'anesthésie n'a pas totalement fonctionné. Par contre, ils ne sentent rien, les gens à qui ça arrive, mais ils sont encore conscients, quoi. Ouais. Ou à plus petite échelle, c'est une autre situation, mais c'est aussi un ressenti qui est proche de la paralysie du sommeil. Oui. Effectivement, ça peut y faire penser, oui. Qui est apparemment quelque chose d'extrêmement inquiétant quand ça arrive. Pour en avoir déjà fait... une ou deux, effectivement, je te le confirme. C'est plutôt terrorisant. Ça m'est jamais arrivé, pour le coup, j'ai cette chance-là. Oui, mais j'espère que ça ne t'arrivera jamais. Vraiment, c'est pas quelque chose que je peux souhaiter à quelqu'un. En termes d'écriture, ce qui est très intéressant dans la nouvelle, c'est que vraiment, t'es vraiment en mode POV. C'est vraiment, on ne sait pas ce qui se passe autour de lui, en fait, mis à part ce que son regard perçoit. Oui. Ce qui veut dire pas grand-chose, parce qu'il est jamais tourné dans la direction la plus pertinente. Voilà. C'est assez normal, quoi. Ce qui est très malin aussi, je trouve, c'est que... Alors, il y a des dialogues, mais sauf que ce n'est pas écrit comme une scène de dialogue classique d'un roman. C'est-à-dire, il n'y a pas les petits traits qui annoncent le changement de personnage et tout ça. C'est le personnage qui est paralysé, qui, du coup... s'imagine, mais via des descriptions qu'il se fait lui-même, tiens, voix de femme, un peu austère, homme, qui semble un peu bête, ce genre de descriptif. Donc c'est vraiment à toi aussi, lecteur, d'être attentif à qui est dans la pièce et qui parle. Oui, effectivement, King se tient bien à son truc de ne donner que les informations que le personnage peut connaître. Voilà, qu'il peut voir ou percevoir via les deux seuls sens encore... présent chez lui pour savoir ce qu'il y a autour de lui, c'est-à-dire la vue et l'ouïe. Ouais, et encore, la vue, comme on l'a dit, est moyennement utile dans la mesure où il regarde le plafond et ou la table, et c'est à peu près tout. Oui, et puis t'as les néons qui sont braqués sur lui et qui lui vrillent un peu les yeux, il revient souvent sur ça. Ouais, c'est vraiment lui qui lui sert le plus dans la nouvelle. Hum. J'aime bien aussi la manière dont t'es amené l'arrivée progressive des souvenirs qui fait vraiment un réveil difficile où il se demande limite qui il est au début et puis il se souvient de ça, il se souvient qu'on était, oui, on était un samedi, donc il travaillait pas, donc il était au golf et où il reconstitue petit à petit ce qui a dû se passer. Oui, il se souvient d'être allé, j'ai oublié comment s'appelle cette zone du terrain dans le golf, le Ross, je crois. Qui est un endroit avec des hautes herbes et tout. Et c'est petit à petit qu'il se souvient qu'il s'est fait attaquer par quelque chose. En fait, dès le début, lui-même n'est pas vraiment sûr que ça soit un serpent. Il se souvient qu'il s'est fait piquer, mais c'est tout. Ouais. Ouais, ça revient au fur et à mesure. Il soupçonne que c'est un serpent, mais ouais. Donc oui, t'as les souvenirs qui reviennent. Comme quoi, le golf, c'est dangereux. Hein. Effectivement. Bah déjà, tu croises des riches, donc... Oui, des tu gens peux comme même toi et moi, si t'es aux États-Unis, tu peux même croiser Donald Trump. C'est vrai. Mais du coup, c'est une occasion pour... non, rien. Oui, les serpents, Donald Trump. On peut toujours avoir de l'espoir. Ouais, bon, même un club de golf bien placé. Hein. C'était ça que je voulais dire. Effectivement, ouais. Effectivement, ça peut marcher. Ça peut faire mal, ce genre d'outillage sportif. Ah oui, bah, c'est le club de golf, c'est un sacré truc, hein, je crois, en réalité. Et donc oui, t'as les souvenirs qui reviennent au fur et à mesure de l'autopsie. Au fur et à mesure de l'autopsie, donc il est manipulé, et donc lui qui supplie que l'on regarde sur tous ses jambes et qu'on remarque la piqûre, mais bien entendu, ça n'arrive pas aussi facilement que ça. Oui, bah parce qu'assez logiquement, il a été piqué par des moustiques, par des insectes de partout, donc on cherche pas particulièrement des morsures de serpent quand il n'y a aucune raison d'y en avoir. Hein. Bah oui, il a aussi pas mal de blessures de guerre, parce qu'on apprend au bout d'un moment que le personnage a participé à une guerre, alors je ne sais plus si dans le roman c'est mentionné laquelle. Dans je le roman, crois dans la nouvelle. Je crois que c'est le Vietnam, non? Ouais, ça doit être le Vietnam. Mais donc voilà, son corps est également recouvert de cicatrices, du coup les médecins sont attirés par autre chose que des simples piqûres d'insectes ou de serpents. Ouais. Mais voilà, t'as tous ces détails-là qui font participer à la montée de la tension, et tous les moments aussi où ils s'apprêtent à l'ouvrir, mais ah, il y a un petit détail qui les font s'arrêter, et finalement, hop, c'est bon, on va l'ouvrir, ah non, attends, il y a ça, allez, on y va, ah non, il y a encore ça. Vraiment, King joue avec vraiment des montagnes russes en termes d'émotion et de suspense. Oui, il s'amuse beaucoup avec nous là-dessus, ouais. Vraiment, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'il identifie assez bien une certaine ambiance des salles d'autopsie avec les médecins qui font pas mal de blagues et compagnie pour essayer d'alléger la tension et la panique. Oui, parce qu'on se doute bien que c'est pas des lieux. Spécial, hein. Ouais. C'est pas des lieux où la joie de vivre règne. Totalement. Oui, effectivement. Mais bon, chez certains, ça va trop loin, clairement, les blagues. Là, il y a le médecin Rusty, notamment, qui est un celui pur qui se fait virer, ouais. Oui, qui se fait virer, d'ailleurs. Qui le fait parler, qui le fait chanter. Parce qu'à part ouais. dans la nouvelle, le roman... dans la nouvelle, le personnage ressemble à un chanteur. Un chanteur que je ne connais pas, pour ma part. Ah non, moi non plus. Je connais bien plus les Rolling Stones, qui seront mis en fond sonore tout le long... Tout le long oui, de la nouvelle. En effet, là, pour le coup, il y a le best-of des Rolling Stones qui est cité en musique. Est-ce qu'il fait bien chier? Est-ce que le personnage arrive à émettre un micro-son nasal? Et du coup, au moment où il commence à réussir à le faire, bah, hop, on met de la zik. Ça, encore, petit jeu sournois de King là-dessus. Oui. Et donc, quelle est la conclusion de la nouvelle, au final? Il bande. Ah non, avant ça, il y a autre chose. Oui, enfin, on en arrive là quand même. Hein. Mais... avant ça, mais il y a... tu peux parler de ce qu'il y a avant, oui. Avant ça, il y a Rusty, donc c'est le médecin justement qui se fait virer au début parce qu'il faisait de la merde avec le prétendu cadavre, qui revient en trompe dans la salle d'autopsie en hurlant que ils ont trouvé un serpent dans les affaires de golf du supposé cadavre qu'ils ont. Et donc, Rusty, lui, a bien compris... parce qu'un autre infirmier s'est fait bien mordre, a bien compris que finalement, c'est un état de paralysie dans lequel se trouve le personnage principal, et non pas un état de mort. Et effectivement, il y a l'érection du personnage qui est manipulée par la docteure. Voilà. Ça me fait rire que King, dans sa note de fin, dise « Ouais, dans la version Alfred Hitchcock, à la fin, il réussissait à pleurer. Moi, j'ai choisi un autre style. » Un style plus moderne, dit-il. Mais du coup, je trouve que ça conclut la conclusion, bien. La vraie conclusion avec la dernière phrase est pour le coup très très drôle. Quand il dit qu'il se met en couple finalement avec la docteure, alors qu'il était impuissant, il arrive à être en couple avec elle, mais du coup, il faut qu'elle porte des gants en caoutchouc. Oui. Effectivement, c'est pas très Alfred Hitchcock présente. Non, effectivement, je pense que ça serait pas passé à l'époque. Quoique Alfred Hitchcock était quand même pas mal porté sur les blagues un peu salaces par moment, mais... Ouais, mais pas aussi frontal. La télé aurait dit non, oui. Voilà, c'était pas aussi frontal. Je pense, Ça fait pas très Conte de la Crypte non plus, tu me diras. Ou alors il faut que la bite tombe. Oui, voilà, à la limite. Et aussi, s'il a pas été identifié comme vivant au début, c'est parce que le médecin qui l'a examiné était un vieux... Enfin, il y a vraiment tous les malheurs qui se combinent. Oui, c'est vrai. Ouais. Je disais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'anatomie, de pipi et de caca dans cette émission. Ça manquait. Oui, effectivement, c'est vrai que, bon, une fois de temps en temps, je suppose que ça fait plaisir. C'est vrai que le caca, ça fait longtemps. Il faudrait une nouvelle adaptation de Dreamcatcher. Oh bah, ça va peut-être venir. Qui on pourrait mettre à la réalisation d'un remake de Dreamcatcher? Je sais pas. Bah, pour faire de la merde, je ne vois que McFlanagan. J'allais dire Roland Emmerich, moi. Oui, aussi, c'est vrai. Il en a encore jamais fait, tiens. Ouais, voilà, c'est ça, c'est l'occasion. Il est très porté sur les aliens, en plus. Bah, en plus, voilà, c'est quand même son truc, normalement. Non, mais sur la nouvelle, moi, je vais rien avoir à ajouter. Bah non, bah, moi non plus, hein, c'est une petite nouvelle. Bah, donc, oui, voilà. Mais clairement, c'est une nouvelle très efficace et il n'y a pas de déplaisir à la lire. Et si, juste pour conclure, bah, du coup, ça, c'est une très bonne nouvelle pour ouvrir un recueil de nouvelles. Oui. Parce que c'est elle qui l'ouvre. Alors que ça a été choisi au pif, a priori, l'ordre des nouvelles dans Tout est fatal. Je sais pas si t'as lu son explication sur comment il a décidé de l'ordre. Non. En fait, il a attribué un numéro à chacune des 14 nouvelles parties, de chacune des 14 nouvelles prévues, et après, il a tiré aux cartes... Enfin, il a mélangé un paquet de cartes, et ça a été l'ordre des cartes, celui des nouvelles. Rigolo. Ouais. Et ben, le hasard a bien fait les choses. Oui, je trouve que ça a bien marché, pour le coup, ouais. Mais donc, allons-y. Pour son adaptation, dans Rêve et cauchemar... Donc, bah, comme d'habitude, il y a pas mal de trucs sur lesquels on va pouvoir passer rapidement parce que bah, on retrouve une partie de l'équipe régulière de Tout est fat... de Rêve et cauchemar. Donc, faudra réécouter les anciens épisodes pour avoir la biographie des différentes personnes qu'on va pouvoir mentionner, surtout dans l'équipe technique. On peut mentionner qu'il existait déjà une précédente adaptation de cette nouvelle, puisqu'elle a été adaptée en court-métrage réalisé et scénarisé par Steven Zachman, qui était a priori un Dollar Baby, et ce n'est pas trouvable, comme souvent avec les Dollar Baby. Et bon, autant le dire tout de suite, en décembre 2024 a été annoncé qu'un long-métrage adapté de cette nouvelle allait sortir, qui sera réalisé par Ranjit S. Marwa, que je ne connaissais pas du tout, même de nom, un réalisateur qui a fait peu de longs-métrages et ils n'ont pas des bonnes notes, mais il a 78 crédits de réalisateur sur IMDb, surtout des courts-métrages, dans lesquels il y a 2 Dollar Baby, puisqu'il a adapté déjà L'homme qui aimait les fleurs, et Tout ce que vous aimez sera emporté, une autre nouvelle de Tout est fatal, d'ailleurs. Et c'est amusant parce que j'ai cherché les deux, et quand j'ai cherché Tout ce que vous aimez sera emporté, autant je n'ai pas trouvé la version de Ranjit S. Marwa, autant j'en ai trouvé 12 versions sur YouTube. Ah vache! Faites par des amateurs ou des semi-amateurs à chaque fois, mais du coup, bah, j'ai téléchargé ces chefs-d'œuvre, évidemment, j'ai sur mon ordi 12 versions différentes de Tout ce que vous aimez sera emporté. Qui font entre 3 et 30 minutes. Voilà. Ah oui, quand même! Ouais, ouais. Un épisode spécial. Ça m'a fait halluciner de voir ça. Mais donc voilà, ce sera peut-être adapté en long métrage. Si le projet avance, on sait qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent être annoncés et ne jamais aboutir dans les adaptations de King. Ou alors aboutir 15 ans plus tard avec une équipe intégralement différente. Le réalisateur de cet épisode, c'est Michael Salomon, qu'on a déjà vu, et c'est la dernière fois qu'on le voit, mais on l'a déjà vu pour le Salem de 2004, Détour mortel et Le Grand Bazar final, déjà dans Rêve et cauchemar dans ce dernier cas. Mm-hmm. Le scénario, il est d'April Smith, qui était déjà scénariste sur la dernière affaire Dumney, qui était le premier qu'on avait traité de cette anthologie. Ouais, exact. On peut mentionner, sinon, pour rappel, parce que ça remonte, qu'elle a écrit le scénario d'une biographie de l'humoriste, enfin d'un biopic de l'humoriste Ernie Kovacs avec Jeff Goldblum dans le rôle principal, ça s'appelle Super Papa en VF. Et sinon, elle a aussi scénarisé un truc appelé Le Métro de l'Angoisse, et j'ai décidé d'en faire une blague interactive, vous insérez vous-même le numéro de ligne de métro parisien que vous détestez le plus. Voilà. Et sinon, elle est aussi romancière, mais son seul roman traduit en français, c'est un truc appelé Montana Avenue, et ça a été traduit a priori en 97, donc ça doit plus être dispo. Effectivement. Nous pouvons directement passer au casting, et ça va aller assez vite aussi, puisque le protagoniste Howard est interprété par Richard Thomas, qu'on a déjà rencontré, puisque c'est lui qui jouait Bill, adulte, dans Ça, il est revenu, donc l'adaptation télé avec Tim Curry. La docteure Cathy Harlan est interprétée par Greta Scacchi, une actrice italo-australo-britannique très active, surtout dans des seconds rôles, au cinéma et à la télévision, mais elle est aussi souvent au théâtre. Dans ses rôles importants, on peut citer que ces dernières années, elle joue dans une série policière comique qui n'a pas l'air d'être doublée officiellement ou traduite officiellement en France, qui s'appelle Darby and John. Et elle est aussi, moi je l'ai vu dans The Player de Robert Altman, je sais pas si tu as vu celui-là. Ça ne me dit rien. Avec Tim Robbins, qui se passe à Hollywood, où Tim Robbins joue un scénariste à qui on fait du chantage. Alors non, ça ne l'ai pas vu. C'est un très très chouette film, et elle joue le personnage féminin principal. Je le conseille, il est vraiment cool. D'accord. Et il commence par un plan séquence assez dingue qui navigue à travers un studio de cinéma et qui suit plein de personnages. D'accord. Un voilà. Bon casting, en tout cas. Oui, après, il y a pas mal d'acteurs et d'actrices qui font juste une apparition rapide parce qu'ils ils sont dans leur vrai rôle, en fait. Ils jouent, ils jouent leur une version rôle. Romancée d'eux-mêmes. Mais il y a pas mal cette idée-là hein, dans le film. L'autre médecin, le docteur Jennings, est joué par Robert Mamon, qui jouait le docteur Cody dans Le Salem de Michael Salomon, et qui est lui aussi dans un épisode de Derby and John, du coup, donc où il retrouve Greta Scacchi. Mm-hmm. Les autres personnages, c'est vraiment des acteurs et actrices de séries télé, donc on peut dire que Rusty est interprété par Link Hassler, Ed Brooks et le camarade de golf est interprété par Paul Gleason. La Angela, la petite amie, qui est ajoutée pour la nouvelle, elle est pas pour l'adaptation, elle est pas dans la nouvelle, est interprétée par Jude Beaumont. Mais voilà, je connaissais rien de ce qu'ont fait tous ces gens et globalement, c'est des trucs qui sont pas sortis de la télévision américaine, on va dire. D'accord. Le directeur photo, il y en a que deux sur toute la série. Cette fois-ci, c'est John Stockesest, qui est le même donc que sur le cinquième quart et la dernière affaire d'Omné, et qu'on retrouvera sur Petit Soldat, le dernier épisode qu'il nous reste à traiter. Mm. On retrouve, comme d'habitude, le compositeur Jeff Beal, qui, encore une fois, livre quelque chose de pas transcendant, mais de pas désagréable non plus. Ça fait le taf, mais bon, on s'en souvient pas, quoi. C'est très interchangeable avec plein de trucs composés pour la télé. Oui, voilà, c'est ça. L'épisode est diffusé le 2 août 2006. C'est donc le 7e épisode diffusé. Le dernier, c'est un groupe d'enfer, je crois. Oui. J'ai trouvé une poignée de critiques, mais c'est un peu difficile de trouver des critiques individuelles hein, sur cette série. Elles sont mitigées. Il y en a certaines qui apprécient le ton humour noir de l'adaptation. Il y en a d'autres qui la trouvent trop longue, qui trouvent le monologue intérieur un peu pénible à la longue. Mais voilà, c'est un peu difficile de savoir. Il n'y a pas de notes, évidemment, Rotten Tomatoes et Allociné, puisque c'est un épisode isolé dans une série plus vaste. Donc, nous allons tout de suite pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Je remarque toutes sortes d'écorchures. Piqûres de punaises, de poux de sable aux extrémités. Multiples abrasions par raclure des couches superficielles sur les extrémités inférieures associées à un début d'œdème. C'est ça. À proximité du mollet. C'est ça, on progresse. Très bien, vous n'êtes pas loin. Il y a des piqûres de moustiques sur le mollet gauche qui ont l'air infectées. Continuez à regarder, par pitié, continuez. Demander une biopsie. D'un autre côté, s'il a bien fait une crise cardiaque, c'est inutile. Mmh. À moins que, pour en avoir le cœur net, vous vouliez que je pratique une incision. Non, non, ne faites pas ça. Non, il est évident que ce sont des piqûres de moustiques. C'est pas des piqûres de moustiques. Les changements post-mortem sont étonnamment minimes. Bonne coloration, pas de contusion, pas de lividité, on pourrait presque croire qu'il est vivant. Comme il aimerait. Oui, oui, c'est ça. Je suis vivant. Alors, effectivement, je trouve que l'humour noir est pas trop mal senti. Malheureusement, je trouve que ça serait vraiment le seul début d'intérêt de cet épisode, parce que c'est plutôt plat. Les acteurs sont pas mauvais, disons qu'ils font le taf. Le personnage principal est détestable, vraiment. Il est méprisant tout le temps. T'as envie de lui mettre des claques, en fait, t'as envie qu'il crève, lui, tout simplement, contrairement à sa version de la nouvelle. Non, mais au bout d'un moment, faut dire les mots. Ça ne respecte pas du tout l'originalité de la nouvelle, c'est-à-dire là, on n'est pas du tout en POV, hein. La caméra, elle fait ce qu'elle veut, elle nous montre ce qu'elle veut, enfin, elle nous montre ce que Salomon veut nous montrer. C'est pareil pour les flashbacks, on les vit totalement et intérieurement. Ça manque, en fait, bah, d'un truc original pour distinguer cet épisode du reste de la série, tout comme la nouvelle l'est. Et voilà. Ouais, bah j'ai un peu le même souci principal, c'est la réalisation qui, pour moi, gâche tout. Enfin, la réalisation, et ça devait être au scénario, de toute façon. Donc, enfin, ça devait être dans le texte de base, le fait qu'on voyait beaucoup plus de trucs. À la limite, tu vois, si ça avait été que dans les flashbacks qu'on était sortis du point de vue du personnage, ça aurait marché, ça aurait même amené quelque chose, parce qu'il y aurait eu une rupture entre l'enfermement et la limite quand on est dans le présent, dans la salle d'autopsie, et les flashbacks qui retrouveraient quelque chose de plus normal et de plus libre. Ça aurait pu être intéressant, mais là, effectivement, la caméra se balade beaucoup trop. Et ça nuit à la tension et à l'impression qu'on est censé avoir, en fait. Ça prend pas tout. Alors, pour rallonger tout le bordel, ça rajoute des arcs scénaristiques avec la femme du personnage principal, qu'il n'a pas dans la nouvelle, son pote, tout ça. Ça rajoute énormément de trucs. Les mésaventures de Rusty, dans l'ascenseur avec le serpent. Oui, c'est ça, alors que pareil, c'est pas nécessaire, d'autant si c'est pour faire aussi mal le serpent, parce qu'il n'y a pas le budget. C'est ça. Dans un ascenseur éclairé à la bougie, c'est dégueulasse. Vraiment, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans cette séquence. Et puis ça part en des serpents dans l'avion, hein. C'est un warrior, le serpent. Ah oui, carrément. Tu t'attendrais presque à ce que Samuel Jackson arrive pour l'éliminer. Hein. C'est ça. Non, vraiment, il n'y a vraiment pas grand-chose de bien dans cet épisode, quoi. Alors après, c'est pas non plus une daube infâme, attention, hein, ça se regarde, mais sans réel intérêt. Non, c'est même pas le pire épisode de la série, mais effectivement, on s'ennuie quand même. Hein. Le pire épisode reste toujours le truc là, avec le couple qui se balade dans la ville, là. J'ai oublié comment ça s'appelle cette daube. Crotch End. Voilà. Ouais, c'était atroce ça, ouais. Celui-là, c'est vraiment, il est dégueulasse cet épisode. Mais ouais, en fait, c'est un peu lâche, au final, de pas avoir fait le choix de rester tout le temps dans l'esprit du personnage. Effectivement, 40 minutes à tenir comme ça, c'est long, mais ça aurait été un vrai défi de réalisation, un vrai défi d'écriture, que pour moi, il fallait relever. Et ne serait-ce que parce que ça contourne cette contrainte, je trouve que même si c'était bien fait, ce serait décevant et ce serait... On n'aurait pas très envie d'être tolérant avec l'épisode, quoi. Mais surtout qu'en plus, c'est un épisode de série télé dans une série qui est produite, quoi, et qui est sûre d'être diffusée, donc tu t'en fous, vas-y, tente. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui est visiblement ce que fait Petit Soldat, il tente des trucs au niveau de la narration en étant quasiment muet. Il aurait fallu avoir un peu d'audace, quand même, là-dessus. Ouais, parce que c'est clairement de ça que ça manque, quoi. Mais vraiment, tous les personnages sont détestables, faut revenir là-dessus. Ah, en plus, oui, effectivement. Il n'y a pas que Howard qui pose problème. Rusty, ça, il l'est déjà dans la nouvelle. Oui. À la limite, lui, on va dire, c'est d'accord. Mais c'est vrai que les deux autres médecins sont pas beaucoup mieux. Ils flirtent du début à la fin de la nouvelle. Tu dis, prenez un jour de congé et puis allez. Allez dans un cimetière si vraiment c'est votre truc. Mais... allez vous envoyer en l'air quelque part, moi je sais pas. Et je suis assez d'accord avec ce qui est signalé par certaines critiques, le monologue intérieur qui marche très bien à l'écrit, en film, ça prend beaucoup moins. Il aurait fallu le réduire au moins de moitié, qu'il soit un peu là. C'est cohérent, ça marche, mais il est beaucoup trop. Hein. Ah oui. Surtout que sur la fin, tout le monde se marche dessus dans le bordel. Quand les médecins découvrent la morsure du serpent, le monologue il est là aussi, tu comprends plus rien. Oui. Tout le monde qui parle en même temps. Je pense que là c'est volontaire, mais encore une fois c'est pas suffisamment bien fait pour que ça marche. Sinon ça rajoute tout un truc. Dans la nouvelle il est clairement pas en couple, je crois que c'est même sûr qu'il l'est pas vu qu'après il se met avec docteur pendant un temps. Mais là, il rajoute ça, et c'est juste prétexte à rajouter une sous-intrigue avec sa femme et son ami. Sa femme qui... Je comprends pas bien, en fait, ce qu'elle fabrique. Elle est persuadée qu'il est pas mort. Moi non plus, je sais pas. Ce que je sais, c'est que du coup, ils ont mis une histoire comme quoi il est impuissant, c'est dit directement dans les flashbacks. D'où l'étonnement du personnage à la fin, quand il est en érection... Est-ce que la docteur le sculpte ? Oui. Tous ces personnages, on n'en a pas grand-chose à faire, d'autant qu'ils ne servent pas à grand-chose dans la résolution, parce que le seul qui est utile, c'est comme dans la nouvelle, c'est Rusty, avec le serpent qui est retrouvé dans l'ascenseur. Ah oui. Ah si, truc qui m'a fait rire. Pendant les flashbacks de la partie de golf, vraiment, comment tu peux faire confiance à un médecin comme ça ? Il est vraiment... C'est un vieillard qui pourrait mourir à chaque instant. Et puis tout le monde le croit. C'est le seul qui est visiblement très médecin. Il y a peut-être une confiance aveugle dans les médecins, parfois. Ah oui, je veux bien, mais bon. Ah, c'est vrai que le machin, il a clairement 90 ans. Hein. Bah, il est obligé d'être manipulé pour marcher droit, quoi. Ouais. Qu'il y a quelque chose qui va plus. Après, ça, pour le coup, c'est dit dans la nouvelle qu'il est très très vieux. Hein. Oui, c'est signalé aussi. Et il y a aussi une vanne par rapport à ça, même dans l'adaptation, où il dit que c'est lui qui a soigné Noé quand il est descendu de l'arche. Ouais, c'est ça. Et effectivement, moi, je l'aurais pas fait du tout confiance et j'aurais demandé une contre-expertise avant d'amener le gars à la morgue, mais bon. Ah oui, carrément. Tu vois, même ça, c'est raté. Tout est raté, en fait. C'est incroyable. Bah après, ça, à la limite, si ça avait été encore plus poussé dans le côté comique, pourquoi pas, tu vois. C'est peut-être juste que ça va pas assez loin. Même dans l'humour, hein, je trouve qu'elle va pas suffisamment loin, au final, pour totalement prendre. Il y a un peu d'humour noir, mais pas tant que ça. Ou alors, c'est qu'il est mal fait. En tout cas, moi, ça m'a jamais vraiment fait rire. Ah non, moi non plus. Mais disons qu'au moins, il y a un début de tentative. Ouais. Contrairement à tout le reste. Oui, oui, on va dire ça. Voilà. On notera que ici, ils coupent la musique dès le début, probablement que les Stones étaient trop chers au niveau des droits. Ouais, bah oui, bah clairement c'est ça. Il n'y a pas d'autre raison de couper les Stones. Après, même pas mettre de musique groupe, du tout. Limite, ouais. Parce que là, du coup, c'est le ventilateur qu'elle met. Ouais. Pour aérer la pièce. Ouais, un ventilateur, c'est libre de droit. Voilà, c'est ça. Mais ouais, et en fait, il n'y a même pas grand-chose à en dire, parce que bah, juste, ça donne quelque chose d'extrêmement banal, là où ça aurait pu, si ça avait été fait avec un peu de courage, donner une nouvelle, donner une adaptation. Je ne sais pas si elle aurait été réussie, mais au moins, on l'aurait retenu un peu, quoi. Au moins, elle aurait mérité qu'on en parle. Au moins, ça aurait donné quelque chose d'original. Voilà. Tandis que là, c'est juste parmi les épisodes très oubliables de la série. Bah voilà, c'est ça. Tu voulais faire un truc original, en fait, tu mettais même pas d'acteur. Enfin, sauf pour les flashbacks, mais dans la salle d'autopsie, tu mettais pas d'acteur sur la table, en fait. Tu mettais juste une caméra orientée vers le haut, et puis voilà. Bah en réalité, ouais, ça aurait été... on aurait jamais dû voir le protagoniste dans la salle d'autopsie. Voilà, que dans les flashbacks, c'est tout. Et ça aurait pu vraiment donner un truc un peu sympa où on voit quasiment jamais non plus les autres personnages qui parlent parce qu'ils sont toujours en train de se balader à travers la pièce, etc. etc. Oui, voilà. Tu vois juste les ombres. Ce qui peut donner quelque chose d'inquiétant, d'ailleurs. Oui, voilà. Et ils apparaissent de temps en temps. Il y a des outils, des trucs qui apparaissent, mais... Oui, voilà. Tu les vois se donner les outils au-dessus du personnage. Voilà, tu distingues des petits trucs. Mais non, ce n'est pas le choix qui a été fait. C'est bien dommage. Donc, bah voilà, c'est pas grand-chose d'autre à ajouter. Bah non, effectivement. Et je suppose qu'on va pouvoir passer à une séquence. Eh bah oui, allons-y. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Très bien, nous avons choisi en scène le début de la nouvelle, vraiment dès les premières lignes. Donc, qui représente le réveil de Howard, qui se rend compte de la situation dans laquelle il est. Voilà. Howard le connard. Alors, je vais vous lire du coup « Tout est fatal » en édition Albin Michel. Et oui, bonjour au KXV, ce n'est pas une édition j'ai lu. C'est beaucoup trop récent pour en être une. À ce moment-là, c'était déjà chez Livre de Poche. Voilà, oui, c'est le petit clin d'œil. Moi, j'ai la version Livre de Poche... C'est le petit clin d'œil avec AXV. Wink, wink. Ouais, au bingo. Une traduction, comme pour les éditions Livre de Poche, hein, de William Olivier Desmond. D'ailleurs, dans le bingo, je me rends compte qu'on a clashé Mike Flanagan. C'est un oui, bon déjà épisode. Dans ouais, déjà dans c'est épisode, déjà là, fait dans cet épisode, ouais. Alors, salle d'autopsie 4. Il fait tellement noir que pendant un moment d'une longueur indéterminée, je me crois encore inconscient. Puis, peu à peu, il me vient à l'esprit que lorsqu'on est inconscient, on n'éprouve pas la sensation d'un mouvement dans l'obscurité, sensation accompagnée d'un bruit léger et rythmé qui ne peut être qu'un grincement de roue. J'ai également une sensation de contact, de la nuque au talon. Je sens aussi une odeur, qui pourrait être de caoutchouc ou de vinyle. Ce n'est pas très inconscient, ça. Il y a quelque chose de trop... De trop quoi ? De trop rationnel ? Dans ces sensations pour que ce soit un rêve ? C'est quoi alors ? Qui suis-je ? Et qu'est-ce qui m'arrive ? L'agaçant grincement de roue s'interrompt enfin et je sens que je ne bouge plus. Le truc qui sent le caoutchouc émet un craquement. Une voix s'élève. Laquelle ? Ils ont dit. Un silence. Une autre voix. La 4, je crois. Ouais, la 4. Nous nous remettons à bouger, mais plus lentement. J'entends à présent, tout juste audible, le chuintement de chaussures à semelles souples. Des chaussures de sport, peut-être. Les propriétaires des voix sont les propriétaires des chaussures. Ils m'arrêtent à nouveau. Un coup sourd, suivi d'un bruit léger de souffle. Le bruit d'une porte avec des gonds pneumatiques, me semble-t-il. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai cru crier, mais ce n'était que dans ma tête. Mes lèvres n'ont pas bougé. Je les sens. Je sens aussi ma langue, posée dans ma bouche, comme une taupe frappée d'engourdissement. Mais je ne peux bouger ni les unes ni les autres. Le truc sur lequel je suis étendu se remet à se déplacer. Un lit à roulettes ? Oui. Une civière, en d'autres termes. J'ai déjà pratiqué, il y a bien longtemps, au cours de la petite aventure merdique de Lyndon Johnson en Asie du Sud-Ouest. Je comprends que je suis dans un hôpital, qu'il m'est arrivé quelque chose, un truc dans le genre de l'explosion qui m'a presque fait passer l'arme à gauche 23 ans auparavant, et qu'on va m'opérer. Cette idée appelle beaucoup de questions, et de questions raisonnables pour la plupart. Sauf que je n'ai mal nulle part. S'il n'y avait le désagrément mineur d'être mort de trouille, je me sentirais même parfaitement bien. Mais si ce sont des aides-soignants qui me conduisent en salle d'op, comment se fait-il que je ne puisse rien voir, que je ne puisse parler ? Une troisième voix. Par ici, les gars. Mon lit roulant est poussé dans une nouvelle direction, et la question qui ne cesse de retentir dans ma tête est celle-ci. Dans quel merdier me suis-je encore fourré ? Est-ce que ça ne dépend pas de qui tu es ? Autre bonne question, à laquelle je me rends cependant compte que je peux répondre. Je m'appelle Howard Cottrell. Je suis courtier en bourse, et certains de mes collègues m'ont surnommé Howard le Conquérant. Deuxième voix, juste au-dessus de ma tête. Vous êtes ravissante aujourd'hui, Doc. Quatrième voix, féminine, ton sec. Toujours agréable de vous faire de l'effet, Rusty. Pourriez-vous accélérer un peu ? La babysitter m'attend à 7h. Elle s'est engagée à manger avec ses parents. M'attend à 7h. M'attend à 7h. C'est peut-être encore l'après-midi, alors, ou le tout début soirée, et il fait noir. Noir comme dans un puits de mine. Noir comme dans le cul d'une mule. Noir comme par une nuit sans lune, en Perse. Et qu'est-ce qui se passe ? D'où je sors ? Qu'est-ce que je fabrique ici ? Pourquoi n'ai-je pas 3 téléphones autour du cou ? Parce que c'est samedi, murmure une voix qui vient de très loin. Tu étais... Un bruit. Rack ! Un bruit que j'aime. Un bruit pour lequel je vis plus ou moins. Le bruit de... De quoi ? D'un club de golf, pardi. Un club de golf entrant en contact avec la balle posée sur le tee. Je la regarde filer dans le bleu. On me prend par les épaules et les mollets et on me soulève. L'effet est affreux et j'essaie de crier. Aucun son ne sort de ma bouche. Ou alors un son tout petit, un minuscule couinement, bien moins fort que celui produit par les roues en dessous de moi. 3 fois rien, à moins que ce ne soit mon imagination, tout simplement. Je suis balancé dans les airs, prisonnier d'une enveloppe totalement obscure. « Hé, ne me laissez pas tomber, j'ai le dos fragile » essayais-je de dire. Mais une fois de plus, ni mes lèvres ni mes dents ne bougent, et ma langue reste prostrée dans ma bouche. Pas simplement engourdie, mais morte. Et voici que me vient une pensée effroyable, une pensée qui hisse ma terreur à un poil de la panique totale. Et s'ils me mettent à l'envers et que ma langue dégringole au fond de ma bouche et bloque ma trachée artère ? Je ne pourrai plus respirer. C'est bien ce qu'on veut dire quand on parle d'avaler sa langue, non ? Deuxième voix, Rusty. Il va vous plaire celui-là, Doc. Il ressemble à Michael Bolton. La femme docteur. Qui sait ? Troisième voix, celle d'un homme jeune, peut-être même celle d'un adolescent. Un chanteur de charme blanc qui voudrait nous faire croire qu'il est noir. Mais à mon avis, ce n'est pas lui. La réflexion est suivie de rires auxquels se joint la doctoresse, mais de manière un peu réservée. Et, tandis que l'on me pose sur ce qui paraît être une table rembourrée, Rusty lance une nouvelle vanne. On dirait bien qu'il a un numéro parfaitement rodé. Mais je n'ai pas le temps de me désopiler, brutalement saisi d'un sentiment d'horreur. Je ne vais pas pouvoir respirer si ma langue obstrue ma trachée artère. Voilà ce qui vient de me traverser l'esprit. Mais est-ce qu'au moins je respire, en ce moment ? Et si j'étais mort ? Et si la mort, c'était ça ? Ça cadre très bien avec une aisance toute prophylactique. L'obscurité, l'odeur de caoutchouc. Aujourd'hui, je suis Howard le Conquérant, agent de change extraordinaire, terreur du country club municipal de Derry, un habitué de ce que l'on connaît dans tous les parcours de golf du monde sous le nom de 19e trou. Mais en 71, je faisais partie d'une équipe médicale de secours dans le delta du Mekong, et n'était qu'un gosse apeuré qui se réveillait parfois les yeux mouillés d'avoir rêvé au chien de sa famille. Et, tout d'un coup, je sais ce que sont ces sentiments, cette odeur. Seigneur Dieu, je suis dans un sac à viande pour ma cab. Première voix. Vous voulez bien me signer ça, Doc ? Appuyez fort, c'est en 3 exemplaires. Grincement d'une plume forçant sur le papier. J'imagine le proprio de la première voix tendant une planchette à pince à la femme médecin. Oh, Seigneur Jésus, faites que je sois pas mort. Voilà ce que j'essaie de crier, mais rien ne sort. Pourtant, je respire, pas vrai? Je ne me sens pas respirer, et pourtant mes poumons ont l'air d'aller bien. Simplement, il n'y a pas cette pulsation, ce besoin irrépressible d'air, comme quand on nage trop longtemps sous l'eau. Alors je dois forcément respirer, non? Sauf que si t'es mort, murmure une voix venue des profondeurs, ce besoin irrépressible d'air a disparu, pas vrai? Eh oui, des poumons morts n'ont pas besoin de respirer. Des poumons morts, ça ne sert plus à rien. Rusty, qu'est-ce que vous faites samedi soir, Doc? Mais si je suis mort, comment puis-je avoir des sensations? Sentir l'odeur du sac à viande? Comment puis-je entendre leur voix? La toubib qui répond que samedi soir, elle va aller faire toiletter son clébard, qui s'appelle justement Rusty, quelle coïncidence? Comment puis-je les entendre rire? Si je suis mort, comment se fait-il que je ne sois pas en train de m'avancer dans la grande lumière blanche dont ils nous bassinent dans l'émission d'Oprah? Bruit soudain et grinçant de quelque chose qui se déchire. Et tout d'un coup, je suis dans la lumière blanche. Elle est aveuglante, comme lorsque le soleil apparaît sans prévenir dans une trouée de nuages, en hiver. Je tente de plisser des yeux pour y échapper. Mais rien ne se passe. J'ai les paupières comme deux stores vénitiens cassés. Très bien. Et maintenant, la même scène dans la série. Un accident à la gare routière. On demande un véhicule d'urgence. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'était quoi ça ? Oh. Oh. Est-ce que je suis évanoui ? Non. Non, je suis conscient. Quand on est évanoui, on n'a pas la sensation du mouvement. Pas sentir cette odeur particulière. Quelque chose comme le caoutchouc ou le vinyle. Oh non. Les sensations sont trop... Trop quoi? Trop... Trop rationnelles pour être un rêve. Qu'est-ce qui se passe? Par ici. Oh. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne peux pas bouger les lèvres? Je les sens. Et je ne peux pas parler. Je ne peux pas du tout bouger. Je suis paralysé. On roule. Mais qu'est-ce que c'est? Un lit roulant. Je dois être à l'hôpital. Oh, c'est pas bon ça. Pas bon du tout. Mis à part ce léger détail... que je suis totalement paniqué. Je n'ai mal nulle part. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Howard Cottrell. Je crie, mais pas un son ne sort. Si je suis mort, comment je peux avoir des sensations? Ah oui, t'as une mine superbe. Comment je peux entendre cette musique stupide? Rusty, éteignez-moi ça. Dans quel merdier je suis allé me mettre? Voilà, voilà. Donc, comme on l'a dit, l'adaptation nous laisse un peu réservés. Oui. Parce qu'elle occulte totalement, du coup, le principe même de la nouvelle, c'est-à-dire être totalement en point de vue du protagoniste principal. D'ailleurs, ouais, voilà. Toute cette introduction, normalement, si la nouvelle avait été vraiment fidèle et avait joué le jeu, du coup, surtout, l'écran serait resté noir jusqu'à l'ouverture du sac. C'est ça, ou alors à la limite, j'aurais pu tolérer si ça avait été des très rapides inserts quand il identifie la provenance d'un son. Oui. Mais en utilisant quelque chose pour bien montrer que c'est ce qu'il s'imagine comme étant la provenance du son. Mais en effet, y a beaucoup trop de sorties de ça pour que ça fonctionne. En fait, nous, en tant que spectateurs, on sait beaucoup trop vite ce qui se passe. Alors on le sait aussi dans la nouvelle, on le devine, mais on partage mieux son égarement quand même, son ressenti. Tout à fait. Et là, le premier flashback mentionné, parce qu'il mentionne déjà qu'il était au golf, ouais, au final. Il est très court. Il est très très court, tandis que dans la nouvelle, dans l'adaptation, ils sont tout de suite beaucoup plus longs. Dès le premier flashback de golf, je crois qu'on va jusqu'à la, Jusqu'à la piqûre, hein. Pas jusqu'à la morsure du serpent. Non, pas encore. Je crois que c'est quand même au deuxième, la morsure du serpent. D'accord. Mais on va quand même assez loin dès le premier. Du coup, il vient trop rompre le début de tension. Au début, il aurait fallu rester beaucoup plus sur lui. Ce qui, encore une fois, en plus, aurait collé avec l'idée qu'il se réveille progressivement et qu'au début, il ne se souvient pas de grand-chose de comment il est passé du green de golf à la salle d'autopsie. Bah oui, voilà, c'est ça. Ça va beaucoup trop vite. Et comme dit, tout est révélé beaucoup trop vite, surtout. Ce qui montre vraiment, je pense, juste une incapacité à bien l'écrire. Et puis, voilà. dès le début aussi, la voix off, moi, m'a saoulé dès le début. Hein. Dès les premières minutes, j'ai compris que ça allait me gonfler pendant toute la nouvelle, pendant toute l'adaptation, cette histoire. Oui, bah parce que dès le début, il est chiant comme la mort aussi, le personnage. Dès le début, il est insupportable. Ouais, mais à la limite, qu'il soit de mauvaise humeur, moi, si je me réveillais paralysé dans un body bag, effectivement, je serais un peu grognon aussi, tu vois. Mais... Oh, tout de suite, dis ça. C'est juste que je trouve les dialogues pas particulièrement bien écrits. Oui, non, il y a aussi ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi ça. Non, mais tu vois, par exemple, là, en 4 pages, le personnage principal ne sait même pas, en fait, s'il va dans une salle d'autopsie. Parce que lui, il pense qu'en fait, il est... Au tout début, déjà, il pense qu'il va dans une salle d'opération. Parce qu'il comprend pas qu'il est dans un body bag au début. Ouais, il le comprend quand il fait le lien avec l'odeur qu'il sentait quand il était à la guerre, ouais. Voilà, alors que toi, dans l'adaptation au spectateur, bah, tu vois dès le début qu'il est dans un sac mortuaire, donc tu sais que ça va être, bah, qu'il va pas aller dans la salle d'op. Bah, pour le coup, ça, tu le verrais aussi si c'était resté tout le temps de son point de vue, parce que vu que t'aurais eu la fermeture au-dessus de lui, tu l'aurais deviné. Mais, oui, mais ça aurait été remplacé par l'enfermement. Non, parce qu'il aurait suffi de rajouter une petite phrase de dialogue où le personnage se questionne sur est-ce qu'il a les yeux fermés ou pas, et voilà. Ah oui, à la limite, c'est en commençant dans le noir vraiment absolu, oui. Voilà. Alors que là, c'est beaucoup trop frontal. Ouais, non, mais oui, t'as raison. Mais du coup, voilà, ça ne fonctionne pas. Non, clairement pas. Et c'est un peu dommage, mais après, comme on l'a dit, c'est pas un épisode désespérant non plus. Ah non, non, non, on est loin, c'est pas une catastrophe non plus, hein, mais... Le problème, c'est que dans cette émission, bah, on compare avec l'œuvre originale. Et là, fort est de constater que si ça avait respecté le postulat et le principe de la nouvelle, ça aurait peut-être été raté, comme tu l'as dit, mais au moins on s'en serait souvenu. Ouais. Ça aurait tenté quelque chose, ça serait beaucoup plus méritant que ce qui a été fait actuellement. Enfin, ce qui a été fait au final. Donc on verra bien, c'est adapté en long métrage, un long métrage pour une nouvelle, ça fait énorme, mais ça respecte la sensation d'enfermement, bah, ça peut peut-être donner un truc un peu expérimental, sympa justement. Oui, voilà. Ou un truc expérimental nul, mais au moins expérimental. Voilà, bah, ça fera toujours un épisode de plus. Ouais, voilà, on va dire ça. Enfin, comme si, ça sort, ouais. Si ça sort dans pas trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter aussi. Bon, bah je propose qu'on passe au classement. Eh bien, allons-y. Eh bien, comme d'habitude, je vais m'occuper du classement des romans et nouvelles, tandis que mon camarade Issam s'occupera des adaptations séries télé, téléfilms, films. Vous connaissez, au bout d'un moment, après 101 épisodes, enfin, au bout de 101 épisodes, j'ose espérer que vous connaissez le principe quand même, parce que sinon... Après, ouais, bonjour, mais le dernier épisode, c'était un épisode spécial, donc ils ont peut-être totalement oublié. Hein. Ah oui, putain, d'accord, ok. On est suivi par des poissons rouges, ok. J'avais oublié ce détail, pardon, désolé. On vous nourrira après l'émission, vous inquiétez pas. Alors, vous êtes au Vidéo Club de Castle Rock, on parle d'adaptation de Stephen King, hein, vous avez pas oublié ça. Ouais, oui. Bien, les 5 premiers de notre classement des écrits Sagdos, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de Lycée. Tandis que les 5 derniers sont L'année du loup-garou, Dr. Sleep, le 5e quart, ah tiens, Grand Chauffeur et Tommyknocker. Donc, dans les 5 derniers, il y a... une adaptation de Rêve et Cauchemar, j'avais oublié ce détail. Oui, et un truc adapté par Michael Salomon. Oui, Grand Chauffeur. Ouais. Exact. Alors, où placer Salle d'autopsie 4? Déjà, Comparatif avec d'autres épisodes de la série, à la 34e place, il y a la dernière affaire d'Omni, et c'est quand même beaucoup mieux, la dernière affaire d'Omni. Attends, lequel est mieux que l'autre ? La dernière affaire d'Omni. Tu le trouves mieux que celle de Topsy 4 ? Ouais, je le trouve mieux, oui. Ouais. Oui, on est d'accord, ouais. Je trouve que c'est une meilleure nouvelle. Ouais. Crutch End en nouvelle, moi, je l'aime vraiment bien. Hein. L'adaptation est toute pourrie, mais en nouvelle, elle est bien. La nouvelle, elle est pas mal, ouais. Bah, même Grand Bazar final, la nouvelle, elle est bien. Ouais, effectivement. Par contre, je pense que je préfère celle d'Autopsy 4 à Quand l'autovirus met cap au nord. Pour le coup, ouais. C'est sympa quand l'autovirus met cap au nord, mais bon, je pense que je préfère celle d'Autopsy 4 à Cadillac de Dolan hein, aussi. Oui, aussi. Le croque-mitaine, on avait dit que la fin n'était pas incroyable, mais le développement est bien quand même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est que c'est la fin de la nouvelle qui n'est pas fofolle, mais tout le reste est vraiment chouette, quoi. Mm. Écoute, moi, entre Croque-Mitaine et Dolan, ça me va. Ouais, ça me paraît pas mal. Chambre, salle d'autopsie 4 devient le nouveau 45e. 44e, du coup. Ah oui, non, 44e, pardon. Ouais, c'est la Cadillac de Dolan qui devient 45e. Ouais. Et au niveau des films, nous avons tout pile 100 œuvres de classés, films et séries, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anoura Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil Monroman et Jorge Valdez Higa et Room 237 de Rodney Asher. Et tu sais que j'ai préparé quelque chose. Je sais que t'as préparé quelque chose. Tu sais que j'ai préparé quelque chose. Est-ce que tu es prêt? Pas tout à fait, mais bon. Ah. As-tu déjà vu Room 237? Ce n'est pas un De Palma ni un Marie Lambert. Oh. Ce n'est vraiment pas bien compliqué. Si tu le comprends, tu vas gerber. Ce n'est pas un film sympa ou divertissant. Il est même plutôt très méprisant. Quand tu fais face à cet immondice, tu regrettes Children of the Corn Genesis. Ah là, il est mort. Youpi! Crachons sur Room 237. C'est bien. Faisons de cela une fête. Youpi! Crachons sur Room 237. Tant pis s'il faut dire à Flanagan au revoir. Bravo. Bravo. Ouais, effectivement, tu t'es surpassé, tu m'avais prévenu. Voilà. C'était glorieux. Je réfléchis pour le prochain. Ah oui, il va falloir tenir le niveau maintenant. Hein. Ah oui, ça va être compliqué. Je suis très fier de ma rime Immondis et Children of the Corn Genesis. Oui, elle est jolie. Bon, c'est pas tout ça. Classons donc. Déjà, attends qu'on regarde. On a dit que c'est mieux que Crutch End. Donc, déjà, c'est ça. C'est mieux que la 91e place. Ça, ouais, c'est déjà. C'est bien haut pour le moment. Mais bon, on va quand même remonter plus que ça. Je regarde un peu. C'est mieux que Un groupe d'enfer. Hein. 77e place. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment chiant, Un groupe d'enfer. Peut-être à cause du fait qu'on n'a pas reconnu les gens, mais c'était vraiment pas très bien, ouais. Je le mets un peu dans le même sac que Quatuor à 5, hein, en fait. Ouais. Quatuor à 5, la différence, c'est que déjà, la nouvelle n'était pas plus passionnante que ça, mais on est dans le même truc de quelque chose qui n'est pas purement nul, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Bah, c'est ça. C'est ça, à la limite, à la rigueur, au-dessus, quoi. Ouais, au-dessus quand même. Ouais, je pense. Ah ouais, moi je l'aurais peut-être mis en dessous, justement parce que Quatuor à 5, la nouvelle était déjà pas ouf. Tandis que là, il y a le fait d'avoir loupé une bonne occasion qui m'aurait fait le mettre en dessous, je pense. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ouais, à la rigueur. Pour cette raison-là, oui, effectivement. Donc, salle d'autopsie 4 prend la 75e place entre Quatuor à 5 de Rob Bowman et Maximum Overdrive de Stephen King lui-même. Globalement, il y a pas mal d'épisodes qui sont assez bas quand même de cette série. Hein, parce que là, on a du coup 74e Quatuor à 5, 75e salle d'autopsie 4, et en dessous, on a encore un groupe d'enfer et Crotch End. Bon, voilà, faut vraiment être sélectif hein, si vous vous lancez dans la série. À partir de quand l'autovirus met Cap Honor, qui est 62e, c'est un peu mieux. Ouais. Bah, globalement, les adaptations sont pas aussi bonnes que les nouvelles, quoi. Oui, c'est ça, hélas. Mis à part le cinquième quart, elles sont toutes pas désagréables à lire, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est un peu dommage. Pour l'instant, celle qu'on a préférée, c'est laquelle dans cette série? Ça doit être La Dernière Affaire d'Omney. Ouais, c'est ça. Qui est 40e chez nous. En adaptation, tu parles. Ouais, et le Grand Bazar Final est pas très loin non plus, il est 42e. Voilà, ouais. Ces deux-là, regardez-les, les autres, c'est dispensable. Et il nous en reste une à faire, donc. Petit soldat. Ouais. Très bien, il est donc temps de passer au tirage au sort pour les deux prochains épisodes, donc les 102 et 103e. Bah, je te laisse commencer, je mélange. Mélange. Ah, attends, j'ai un bout de papier qui est tombé. Attention, il va falloir appeler... Je l'ai bien remis, c'est bon. Un huissier de justice. Allez, stop. Alors, j'ai un papier... Alors, il s'agit de Charlie de Kiss Thomas. Donc, c'est le Charlie récent, pas le film original. Ah, merde. Non, c'est pas celui d'origine. C'est l'adaptation vraiment du roman, mais qui est sorti je crois que c'est 2022 ou 2023, Charlie, je ne sais plus. Du coup, que ni toi ni moi on a vu. Si, moi je l'ai vu. Ah, t'es courageux. Ah oui. Non, mais... Ah, du coup. Tu vas devoir le revoir, du coup. Le premier quart d'heure est bien. Du coup, tu regrettes. Oui, j'aurais jamais dû regarder ça. Et puis la musique est de John Carpenter, ça va. Et donc, je mélange pour moi. Et j'ai un papier. Viens là. Voilà. Viens là, qui dit. Et j'ai pioché... Ah, ça va nous faire une lecture, même si c'est pas la plus interminable. J'ai pioché... Un élève doué de Bryan Singer. Ok. Donc, adaptation de la longue nouvelle éponyme qui est dans différentes saisons. Bah, la seule qu'on n'a pas encore abordée. Oui, parmi les trois adaptées, c'est la seule de différentes saisons qu'on n'a pas encore faite. C'est la plus longue, dans mon souvenir. Et je n'ai pas vu, je crois, un élève doué de Bryan Singer. Je sais que j'ai le DVD qui traîne dans un coin. Mais tu ne l'as pas vu, voilà. D'accord. Je ne sais plus, peut-être, en réalité, j'en ai pas gardé souvenir. Moi, c'est un visionnage très, très lointain, donc je n'en ai plus beaucoup de souvenirs. Très bien, bah, nous nous retrouvons donc dans deux semaines pour parler de Charlie de Kiss Thomas et dans un mois pour aborder un élève doué de Bryan Singer. Ça nous fait donc un beau programme pour les deux prochains épisodes. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, @cinémaarchiviste pour toi sur Blue Sky, @ChrisTheLostStates pour moi. Uniquement sur Blue Sky, tous les deux. Ouais, c'est ça. On met dans la description les liens du Discord, déjà, où vous pouvez nous rejoindre, de nos Letterboxd, etc., etc. Mm-hmm. Vous pouvez nous retrouver de temps en temps sur Twitch où on parle de cinéma généraliste. C'est un rythme un peu irrégulier en ce moment, mais on prévient sur les réseaux sociaux quand on enregistre. Et puis quand on pense à prévenir aussi. Oui, aussi, bon, ça va. Et vous pouvez me retrouver sur YouTube où je parle surtout de cinéma asiatique. Voilà. Yes. Donc nous nous retrouvons dans deux semaines pour Charlie. Et en attendant, n'oubliez pas... Le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.